Chapitre 6e, l'histoire d'un inventeur. Les premiers moments du repas furent silencieux. Mais sans patience remarquait, sans en rien dire, que son convive faisait honneur au dîner en homme qui ne doit pas manger tous les jours à sa faim. Il pensait qu'il devait y avoir là l'histoire d'une de ces misères ignorées et dignes, si nombreuses en ce grand Paris, témoins différents de tant de drames obscurs. Ça, dit-il, lorsque le premier appétit fut calmé. Maintenant, expliquons-nous. Tout d'abord, je vous donne des excuses pour ma conduite de tout à l'heure. Je suis sûr que par la suite, vous apprendrez à mieux me connaître et que nous finirons par nous entendre. Pour le moment, qu'il vous suffise de savoir que, sans être au fond plus mauvais qu'un autre, la nature m'a doué d'un caractère détestable qui fait le malheur de ma vie. Il m'est impossible de subir la moindre contrariété sans me mettre immédiatement dans un état de colère voisin de la rage. Dès à présent, je suis décidé à faire tout mon possible pour m'amender, mais je crois que ce sera difficile et long. Il est donc bon que vous soyez prévenu. Si, dans le cours de nos entretiens, je suis pris d'une de mes crises de colère, ne vous épouvantez plus et ne vous froissez pas davantage, ce sera vite passé, me le promettez-vous ? Et Antoine Dubois, qui comprenait, promit en souriant. « Maintenant, reprit sans patience, y aurait-il indiscrétion à vous prier de me parler un peu de vous ?» L'ingénieur n'hésita guère. Il avait l'impression d'avoir affaire à un homme généreux et bon, malgré son enveloppe rugueuse. Et puis, il est des instants de la vie où pouvoir parler de soi est un soulagement bienfaisant. En quelques mots, il raconta donc l'histoire de sa vie. À 25 ans, après des études complètes et brillantes, Antoine Dubois s'était trouvé, par suite de la mort de son père, seul dans la vie, sans ressources, avec une sœur de 8 ans moins âgée que lui. Il s'était jusque-là trouvé dans une situation aisée, son père ayant une position des plus brillantes comme sous-directeur d'un établissement de crédit. Malheureusement, d'imprudentes spéculations l'avaient ruiné, et ce fut l'émotion éprouvée à la suite de cette ruine soudaine qui le foudroya. Antoine Dubois puisa dans la fraternelle affection qui l'unissait à sa sœur la force de faire son devoir. Il parvint à trouver un modeste emploi de dessinateur dans une usine et pendant 4 ans vécut avec courage et résignation cette existence obscure et modeste. Mais l'an dernier, il avait perdu son emploi et malgré toutes ses démarches, il n'avait pu en trouver un autre. 8 jours par-ci, 3 jours par-là, il s'était livré à ces occupations intermittentes que Paris offre aux miséreux. Il s'était fait tour à tour copiste de bandes ou de manuscrits, aide téléphoniste dans un grand journal, correcteur de thèmes ou de problèmes pour des professeurs. Mais toutes ces occupations étaient aléatoires et sans lendemain, et de plus peu fréquentes. Il avait employé ses loisirs forcés à travailler la question des aéroplanes et des moteurs à explosion, suivant certaines idées qu'il s'était faites, et il croyait être arrivé à des résultats intéressants. Mais n'ayant jamais pu, faute d'argent, prendre les brevets nécessaires, il n'avait pas voulu risquer de se voir enlever tout le fruit de ses travaux en se confiant à un commanditaire qui pouvait être sans scrupule. Le matin même, Antoine Dubois avait entendu parler d'un capitaliste qui cherchait un inventeur sérieux pour le commanditer. Il y avait plus d'un mois qu'il n'avait pas trouvé d'occupation et à la maison, la gêne était extrême. L'ingénieur avait compris que les circonstances ne lui permettaient plus d'hésiter et que le moment était venu de jouer sa dernière carte. De là, sa visite à sans patience. « Ce n'est pas l'effroi, » continua Antoine Dubois, quand il en vint à cette phase de son récit. « Ce n'est pas l'effroi, comme vous auriez pu le croire, mais la déception, une affreuse déception, qui m'a fait m'enfuir. Je venais d'entrevoir le salut, car la façon dont vous m'aviez parlé jusque-là autorisait tous les espoirs. Lorsque votre terrible accès de rage, que rien ne semblait motiver, éclata. Ma première et soudaine impression fut, vous me le pardonnerez, que j'avais affaire à un fou, à un monomane d'un genre spécial. Je vis ma dernière espérance s'envoler brutalement, et ce fut un tel coup pour moi que, sans réfléchir, je m'enfuis, pris d'un immense désespoir. J'errais des heures et des heures dans les rues, sans trop savoir ce que je faisais, Il est des moments de la vie, voyez-vous, où là d'avoir lutté des mois et des mois contre la misère, la plus déprimante des souffrances, on manque tout à coup de ressort et d'énergie, et l'on n'aspire plus qu'à la fin de tout. Sans vouloir songer à la pauvre enfant qui n'a plus que moi, qui m'attendait, je me décidai à échapper à la misère en même temps qu'à la vie. Vous savez le reste. Sans patience, ému plus qu'il ne voulait le paraître par ce simple et douloureux récit, tendit la main à son convive. Le moment sera mal choisi pour vous faire la morale. Je suis sûr que vous regrettez déjà votre acte, et je n'ai pas besoin de vous rappeler que même seul dans la vie, et sous quelque prétexte que ce soit, on n'a pas le droit d'attenter à ses jours, surtout quand, comme vous, on a le seul soutien d'une sœur, et puis Dieu est toujours là. Et comme l'ingénieur confus baissait la tête sous cette amicale mercuriale, « N'importe, » continua sans patience, « tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, c'est un peu moi qui suis la cause de votre plongeon. Je m'en considère comme responsable. Quelle leçon pour mon fichu caractère. Quant à vous, mon cher ami, considérez-vous désormais comme tiré d'affaire. » Et sur un geste d'Antoine Dubois, « Ne renversons pas les rôles. Ce n'est pas vous qui avez besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de vous. Il est trop tard pour parler affaire aujourd'hui. Sachez seulement que je me suis permis de jeter un coup d'œil sur les épures que vous aviez oubliées tantôt, et que cet examen m'a prouvé que j'avais enfin trouvé ce que j'étais venu chercher ici. J'ai donc besoin de vous, et tout de suite. Pour les conditions, nous en reparlerons demain. En attendant, pour avoir un gage de votre promesse que j'escompte, permettez-moi de vous donner des arrhes. » Et, presque de force, il mit un billet de 500 francs dans la main de l'ingénieur, qui, les yeux humides, ne pouvait que répéter « Monsieur, monsieur !»« Maintenant, » dit sans patience, « il est 10 heures du soir. C'est l'heure des braves gens. Allons-nous coucher. Voulez-vous me permettre d'aller vous reconduire chez vous? Cela me permettra ainsi de faire connaissance avec mademoiselle votre sœur. Oh, volontiers! De la sorte, vous pourrez lui apprendre rien du tout. » Interrompit brusquement sans patience. Lui apprendre d'ailleurs comment nous avons renoué connaissance, ce sera lui faire connaître votre plongeon. Mieux vaut qu'elle l'ignore, croyez-moi. C'est juste. Mais n'importe, elle saura ce que vous vous proposez de faire pour moi. Les terribles sourcils de sans patience se joignirent et sa figure s'empourpra. Pourtant, il eut la force de tenir tête à la crise. Une minute, il resta là, les dents serrées, comme pour s'empêcher de parler. Puis ses traits se détendirent, et il finit par sourire. « Allons, je crois qu'avec un peu de volonté, je pourrais venir à bout de mon satané caractère. Cette fois, vous en avez été quitte pour la peur, mais, pour l'amour de Dieu, ne me contrariez plus. » Leurs vêtements étaient secs. Ils les revêtirent et descendirent. Un quart d'heure plus tard, un fiacre les déposa devant le 46 de la rue de Grenelle. Tous deux entrèrent dans l'immeuble et escaladèrent allègrement 3 étages par des escaliers qui manquaient un peu de lumière. Dans la cuisine, petite et simple, mais d'une propreté rigoureuse, René Dubois attendait son frère en raccommodant prosaïquement une paire de chaussettes. C'était une jeune fille de 20 ans, assez grande, blonde, avec de grands yeux gris changeant dont le regard disait la loyauté et la candeur. Elle n'était pas belle, elle était seulement jolie, malgré sa bouche un peu grande et sa figure un peu maigre. Il émanait d'elle un grand charme de douceur et d'énergie. On sentait que la souffrance et la misère avaient mûri cet enfant avant l'âge et qu'elle tenait vaillamment tête à la vie. Croyante, d'ailleurs, elle avait toujours puisé du courage dans sa foi de chrétienne. Elle se leva quand elle vit que son frère n'était pas seul. Et tandis que sans patience, un peu impressionné, s'inclinait respectueusement devant elle, Antoine Dubois prononça. « Ma chère Renée, j'ai tenu à te présenter M. Jules Régnier. Je ne puis te dire qu'une chose, c'est que grâce à lui, c'en est fini de nos soucis. » « En ce cas, monsieur, » dit simplement la jeune fille avec dignité, « vous avez droit à toute notre reconnaissance. Croyez qu'elle ne vous fera pas défaut. » « C'est précisément ce que je ne veux pas, mademoiselle, » répondit sans patience avec une certaine vivacité. « Et si je me suis permis de venir vous importuner à cette heure tardive, » c'est pour pouvoir rectifier dès l'origine l'idée exagérée et surtout fausse que, je ne sais pourquoi, monsieur votre frère s'est fait de ma conduite. Soyez persuadé, à l'opposition de ce qu'il dit, que celui de nous deux qui se dispose à rendre service à l'autre, ce n'est pas moi. » Là-dessus, sans patience, donna à l'ingénieur une vigoureuse poignée de main, s'inclina devant la jeune fille un peu interloquée, et s'en fut, sans permettre qu'on le reconduisît, après avoir donné rendez-vous à Antoine Dubois pour le lendemain matin.